Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Game Ozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Sylvie Mathieu qui est présidente de l'association Adavi. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors en quelques mots, donc Sylvie Mathieu, je suis présidente d'Adavi depuis 2016, voilà, juin 2016, et je suis fière de représenter cette association qui est pour moi une belle association faite de professionnels, d'engagement, voilà, et de beaucoup d'enthousiasme aussi. Et justement, c'est quoi l'association Adavi ? Alors, c'est quoi l'association Adavi ? Alors Adavi gère aujourd'hui 17 activités différentes. Elle gère effectivement l'aide à domicile, qui est son plus gros cœur de métier, autour de 450 salariés sur le département des Vosges et des salariés sur le département 54, sur certains territoires. Et puis, c'est aussi une association qui gère deux établissements, EHPAD, foyer d'accueil spécialisé, qui gère également du portage de repas à domicile sur certains territoires, de la téléassistance. Nous avons aussi des services comme Coup de pouce ou Alloclean, qui sont des services aux particuliers pour les jardins, pour le ménage, voilà, pour des couples qui travaillent, ou pas des couples d'ailleurs, mais qui travaillent et qui ont envie de faire appel à des personnes pour entretenir leur maison. Et nous avons tout un service famille médiation familiale, ça c'est le plus important, l'accompagnement de famille aussi avec les conseillères en économie sociale et familiale, ce qu'on appelle les CESF. Voilà, donc nous avons aujourd'hui tout un travail autour de la famille effectivement. Et depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association ? Alors l'association, elle est née en 1962 sur le département des Vosges, comme de nombreuses associations d'aide à domicile qui se prénommaient à l'époque ADAPA, Association d'aide aux personnes âgées, et qui faisait suite à un rapport, qui est le rapport Larocq 1960, qui disait qu'il fallait venir en aide aux personnes qui allaient vieillir, etc., qui souhaitaient rester à domicile, hein, entre autres, dans ce rapport, en tout cas, il y avait toute la prospective, j'ai envie de dire, de ce qu'allait devenir notre société vieillissante de 1960, j'ai envie de dire, jusqu'aux années 2000. Robert Larocq avait fait vraiment un rapport tout à fait circonstancié de la situation de la vieillesse en France. Est-ce que c'est une association locale ou nationale ? Alors, c'est une association locale, elle a son siège à Épinal, mais elle relève d'un réseau que nous appelons le réseau UNA, Union Nationale des Associations et Services de Soins à Domicile, donc qui est une association qui, comme les ADMR, qui, comme ADESA, mais qui n'existe pas sur les Vosges, constituent la branche professionnelle de l'aide à domicile, sont à la fois le réseau national et notre syndicat employeur. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez rejoint l'association en 2016, que vous en êtes la présidente, mais est-ce que vous avez toujours été la présidente d'Adavi ? Oh non, puisque l'association date de 1962, alors j'étais encore bien jeune à l'époque. Je suis effectivement présidente depuis 2016. Mon précédé, Monsieur Midon, qui a été très longtemps président de l'association ADAPA, Monsieur François Thiria, qui a été aussi longtemps, une douzaine d'années président de l'association ADAPA et ADAVI, puisque c'est lui qui a fait le changement. Et ensuite, moi, j'ai eu cette présidence, on m'a élu à la présidence en 2016, voilà, suite à une carrière professionnelle qui était de l'engagement auprès des associations sanitaires et sociales sur la région Lorraine. Et quel a été votre parcours avant de rejoindre Adavi ? Alors, avant de rejoindre Adavi, j'ai déjà travaillé à la Mutualité des Vosges, donc, et pour qui j'ai mis en place les services de soins à domicile sur le secteur de Mirecourt, Contrexéville, Vittel, Golbey, enfin bon, il y avait... Aujourd'hui, je crois que ce sont des services qui comptent 160 places, 165 places, qui appartiennent toujours à la mutualité. Donc, ça a été, un des postes que j'ai occupé dans les années 80-90. Et puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu comme directrice au Centre d'études et d'action sociale des Vosges. Donc, on était très inscrits dans la question sociale sur les territoires. C'est comment effectivement on met en place de l'action qui permette aux hommes et aux femmes de rester debout et dignes sur les territoires. C'était absolument passionnant. J'étais avec Paul Thirier à l'époque, qui a fait un très gros travail sur les Vosges, sur l'action sociale. Et ensuite, j'ai rejoint l'Union régionale qui regroupait les établissements sanitaires et sociaux associatifs ou mutualistes en Lorraine, et j'en ai eu la direction de 1995 à 2016. Et c'est tout naturellement que je me suis retrouvée dans l'aide à domicile, alors à la fois demandée par l'ADMR et Adavi, donc ADMR régional. Donc voilà, j'avais à choisir, mais revenant sur les Vosges, j'ai choisi Adavi pour son modèle, ce qui n'est pas tout à fait le même que celui de l'ADMR. Et puis, j'ai aussi choisi d'être sur les Vosges, d'y revenir pour ma retraite. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à Adavi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Adavi ? Alors, les bénévoles et le conseil d'administration, et c'est là, je disais, on n'est pas tout à fait le même modèle que l'ADMR, nos bénévoles sont au conseil d'administration et dirigent l'association, veillent effectivement à ce qui se passe, contribue aussi avec la direction générale à la stratégie de l'association, à son développement. Mais nous, en aucun cas, sauf ici ou là, sur la question de lutte contre l'isolement, on a quelques bénévoles, mais il n'y a pas de bénévoles qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'association sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, on ne fait pas les plannings, on ne recrute pas, on ne s'occupe pas de tout ça. Là, ce sont des professionnels qui sont missionnés pour ça, et notre travail à nous, ça consiste à veiller au bon déroulement de l'association, au bon fonctionnement, à son projet associatif, à l'évolution de son projet associatif aussi. Et je le disais, nous sommes à la fois des politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que, on essaye, là où nous sommes, de porter la parole du secteur du domicile, mais pas que, puisque vous avez vu qu'on avait quand même quelques autres activités. Alors, à la fois au niveau national, en tant que syndicat employeur, mais aussi au niveau politique. Et les trois dernières années, on peut dire que nos paroles ont porté, notre parole collective du réseau UNA a porté, puisque nous avons quand même obtenu des augmentations intéressante pour les personnels des aides à domicile. Et ensuite, il nous fallait, au niveau des départements, une fois que le gouvernement avait dit « Ok, on va augmenter les salaires, les frais de déplacement », il pouvait dire « Oui, il a signé ». Sauf que ce sont les départements qui ont porté les augmentations et les financements des associations. Et en ça, nous avons travaillé et bien travaillé avec le département des Vosges sur justement l'enveloppe supplémentaire qui devait être dédiée pour permettre effectivement le financement de nos aides à domicile, de leurs salaires et de leurs frais de déplacement. Et je peux dire, comme il m'est donné l'occasion de remercier le département, je le fais parce que tous les départements de France n'ont pas ou n'ont pas pu, n'ont pas voulu ces augmentations-là. Et nous avons des associations sur le territoire national qui se trouvent aujourd'hui en difficulté financière, puisque en tant qu'employeur, ils sont obligés d'appliquer la convention collective, mais n'en ont pas les moyens. Et de fait, ça donne des situations un peu difficiles et complexes. Sur le département des Vosges, ce n'est pas le cas. Nous continuons à servir l'ensemble des familles et des personnes âgées ou des personnes handicapées que nous avons à accompagner chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs, des personnes qui travaillent avec vous ? Alors, les personnes qui travaillent avec moi, je travaille surtout avec les équipes de cadres. Et tout particulièrement, mon seul interlocuteur aujourd'hui, c'est la direction générale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour la présidente comme pour les membres du conseil d'administration d'aller voir les salariés sur le terrain pour régler leur situation personnelle, salariée, etc. Donc nous sommes en lien. Je l'ai encore eu ce matin avec notre directeur général sur la vie de l'association, sur les difficultés, les facilités, les projets, voilà, toutes les réunions qui peuvent être à droite ou à gauche, on fait les uns et les autres des comptes rendus de ce qu'on porte comme parole et de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, la présidente et le directeur général, c'est indissociable. Il ne faut pas qu'il y ait une feuille de cigarette entre nous. Il faut qu'on soit vraiment très en confiance les uns et les autres, et c'est ce qui existe. Et puis, avec l'équipe de cadre. Donc, par exemple, notre projet associatif, nous le construisons avec les administrateurs bénévoles et les cadres et les délégués du personnel pour travailler avec eux sur les 4 ans à venir. On vient de presque finir notre projet associatif pour les 4 prochaines années. Et ça permet que tout le monde soit assez au clair sur le fonctionnement, la stratégie, les objectifs qu'on veut atteindre et puis la manière dont on va s'y prendre. Donc nous, on donne la voie, on trace la voie. Et avec la direction générale et les cadres, ils mettent en œuvre ce que nous souhaitons voir apparaître comme stratégie dans notre projet associatif. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types quand vous êtes dans les locaux d'Adavi ? Alors, quand je suis dans les locaux d'Adavi, d'abord, j'y suis peu. Nous y sommes pour les réunions de bureau, pour des réunions de conseil d'administration, rarement parce que nous n'avons pas de salle suffisamment grande pour accueillir le conseil d'administration, donc on est un peu tributaire des salles qui sont disponibles. Mais par contre, des journées types, ça va être peut-être accompagner le directeur général dans une réunion où il faut à la fois du politique et du technique. Ça peut être venir dans nos établissements aussi, rencontrer les directions des établissements, voir avec elles, quand elles ont des projets, comment nous on peut les aider à ouvrir certaines portes peut-être plus facilement que d'autres. Après, sur la journée type, c'est plus, ça se passe par téléphone, par visioconférence, comme nous sommes des bénévoles de gouvernance, nous ne sommes pas tout le temps sur le terrain, quoi. Hein, c'est ce que je voulais dire. Par contre, on prend une demi-heure pour parler de tel projet ou une demi-journée pour aller à Nancy parce qu'on doit rencontrer le conseil départemental. Voilà, c'est un petit peu ça nos missions, mais je peux pas dire que j'ai des journées complètes tous les jours de la semaine à Davy. Hein. Non, ça me prend pas tout mon temps de retraité, mais ça m'en prend un peu. Il y a une expression qui dit les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Voilà, tout à fait. Là, c'est vrai, les jours se suivent et se ressemblent pas. Et il y a de la vie. Hein. Je peux dire qu'à Davy, il y a de la vie. Et c'est vrai que souvent, quand on a une question qui est un peu embarrassante, le directeur général m'appelle ou moi, je l'appelle sur autre chose et on essaye de voir ensemble comment on règle ces situations. Et combien de bénévoles et d'adhérents est-ce qu'il y a à Davy dans les Vosges ? Alors, de bénévoles actifs, j'ai envie de dire, c'est le conseil d'administration. Particulièrement le conseil d'administration, nous sommes 25. Et puis ensuite, il y a des adhérents, donc ce sont des familles qui souhaitent adhérer à Davy. Ce sont des personnes âgées qui le souhaitent ou des personnes pendant le Covid. Comme nous sommes reconnus d'utilité publique, on a eu des dons. Et vraiment, moi je tiens aussi à remercier les dons que nous avons eus à cette période-là, qui ont été très utiles pour nos professionnels ou pour les personnes âgées, que ça soit des dons, le gel, des masques, etc. Et aujourd'hui, petite centaine d'adhérents

qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Sylvie Mathieu. Comment sont recrutés vos salariés ? Les salariés sont recrutés bien effectivement en fonction de leur parcours professionnel, en fonction aussi de leur diplôme. Si possible, l'auxiliaire de vie sociale, par exemple, ça nous arrange bien. Mais aujourd'hui, je dois dire qu'il est très compliqué de recruter, que peut-être il n'est pas formé suffisamment de personnel par rapport à ce type de diplôme et aux besoins que nous avons dans les services. Donc nous avons notre propre service de formation professionnelle et toutes les personnes qui sont recrutées passe par la formation professionnelle. L'idée, c'est de donner aussi des clés d'entrée pour que les personnes qui n'ont jamais travaillé dans le domicile, ils peuvent avoir toute la bonne volonté, la bienveillance, etc. Mais il y a quand même des gestes, il y a des mots, il y a des choses qu'il faut quand même apprendre. Et donc, nous tentons actuellement de faire en sorte qu'au cours de l'année d'embauche, toutes les personnes qui ont été embauchées puissent avoir au minimum 2 à 3 journées de formation professionnelle. Alors, bien évidemment, c'est pas suffisant. Nous en faisons tout au cours de la carrière professionnelle des aides à domicile. Je sais que c'est parfois compliqué d'aller en formation professionnelle, mais c'est pour ça qu'on l'a déjà mis sur le territoire des Vosges, de manière à éviter les grands déplacements. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement des personnes que nous avons, alors je l'ai dit, ça peut être des familles, ça peut être des personnes handicapées, des personnes âgées, et l'accompagnement d'une personne à l'autre n'est pas le même. Il n'est pas le même, pourquoi ? Parce que la dépendance n'est pas forcément la même, ou la perte d'autonomie, mais la famille n'est pas la même, les exigences de la famille sont pas les mêmes. Alors, moi j'en profite aussi d'être à ce micro pour pouvoir dire que la mission des aides à domicile, lorsqu'elles sont qu'elles sont souhaitées dans le cadre d'un plan d'aide, je vais prendre une discussion que j'ai eue avec une famille il n'y a pas très longtemps qui ne savait pas que j'étais la présidente d'Adavi, qui dit que j'y connaissais peut-être quelque chose, qui dit « Moi, j'en ai marre des aides à domicile, vous comprenez, quand je passe chez maman, je passe mon doigt au-dessus de l'armoire et il y a de la poussière. » Alors, je lui demande comment est financée, effectivement, dans quel cadre sa maman est prise en charge. Elle est bien prise en charge dans le cadre de l'APA, donc l'allocation personnalisée autonomie. Et je lui rappelle juste que les 2 heures ou 3 heures que la maman bénéficie, ce sont des heures pour venir en aide à la personne et pas à la poussière qui est au-dessus de l'armoire. Et que au mieux, elles arrivent à s'occuper de la personne, à faire le quotidien du logement, peut-être les courses, peut-être la cuisine, peut-être entretenir l'appartement, et elles passent peut-être pas tout le temps au-dessus de l'armoire pour vérifier s'il y a de la poussière ou pas. Et que ce financement-là, c'est un financement du conseil départemental, qui est un financement de la solidarité, et que cette solidarité, elle doit s'exercer surtout envers la personne. Ça veut pas dire qu'on doit pas faire le ménage et qu'on doit pas entretenir l'appartement, mais ça veut dire qu'il y a des points de détail que les aides à domicile n'ont pas forcément le temps de faire, à faire, etc. Et que c'est pas pour ça que le plan d'APA est fait. Il est surtout fait pour venir en aide à la personne. Vous me disiez, Rantaine, que vous aimeriez bien recruter des jeunes en contrat d'alternance. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, c'est vrai. Une de mes grandes ambitions, qui est peut-être qu'un rêve, mais je souhaiterais effectivement qu'on travaille davantage avec les jeunes et en alternance, c'est-à-dire qu'elles aient un professionnel avec elles, parce que c'est la règle, mais non seulement c'est la règle, mais c'est important, et qu'on puisse effectivement former en alternance des aides à domicile. Déjà, je pense que c'est aussi une reconnaissance du métier, Hein, c'est-à-dire on reconnaît par le parcours professionnel qu'à la fois des études et à la fois du terrain la valeur aussi du travail à domicile. Et deuxièmement, c'est l'attractivité des métiers, c'est faire connaissance avec les métiers autrement. Notre difficulté, la difficulté de l'alternance, c'est qu'effectivement nous sommes pas nous pouvons pas toujours aller chercher les jeunes là où ils sont et que parfois ils n'ont pas les permis de conduire, ils n'ont pas les voitures et que c'est compliqué pour l'aide à domicile d'aller peut-être chercher un jeune qui va être à 15 km de chez elle pour la simple et bonne raison que ces kilomètres-là ne nous sont pas financés puisque n'entrent pas dans le trajet des personnes, etc. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive, et c'est la parole que je pourrais porter, la parole politique au niveau départemental mais aussi au niveau national, c'est comment aujourd'hui on prend en compte la question de l'alternance dans les métiers d'aide à domicile de manière à ce qu'on puisse compléter les équipes, de manière à ce qu'on puisse faire mieux connaître le travail du domicile, mieux connaître les personnes âgées, les familles, et je pense que nous aurions à gagner en faisant découvrir nos métiers par le biais de l'apprentissage. Est-ce qu'il existe beaucoup d'offres d'emploi dans les Vosges ? Oui, il y a beaucoup d'offres d'emploi, c'est-à-dire que tous les jours, on a des offres d'emploi sur le département des Vosges. Alors, je peux pas particulièrement secteur de la Plaine, mais pas que, hein, mais pas que. On recrute aussi sur les Hauts-de-Vosges, sur le secteur d'Épinal. Ça, nous avons tous les jours, nous avons une offre d'emploi qui sort très souvent en CDI. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les offres d'emploi vont être 120 heures. Alors, ça sera pas à temps plein immédiatement, mais que ce temps peut être très très rapidement complété. Et puis il y a aussi des personnes qui ne veulent travailler qu'à temps partiel, hein. Voilà, c'est aussi une possibilité qui leur est offerte, mais c'est vrai que les temps partiels sont très rapidement complétés par d'autres heures qui arrivent. Et ce que je peux dire et regretter, c'est que nous n'avons pas pu, pour l'été 2023, accompagner toutes les personnes âgées ou handicapées qui ont fait appel à nous par manque effectivement de personnel. Est-ce qu'on peut poster notre candidature spontanément via votre site internet, par exemple ? Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez poster votre candidature. Le site Facebook aussi, très souvent, nous avons sur Facebook les offres d'emploi. C'est pas très souvent, c'est tout le temps. Elles sont mises sur Facebook, elles sont mises sur notre site et on peut envoyer des offres d'emploi spontanées, effectivement. Alors, à Davy, en quelques chiffres, pour cette année, c'est 601 116 interventions à domicile, 1 891 931 km parcourus, 16 739 repas portés et 70 embauches en CDI, ce qui n'est pas rien quand même. Alors, sachant qu'on a eu une perte avec le Covid, beaucoup de personnes se sont interrogées, mais je pense que c'est vraiment pas notre secteur, sur leur projet professionnel. Et du coup, il y en a qui ont quitté, qui ont abandonné. On a eu beaucoup de retraites aussi, parce que à notre Assemblée Générale, on fait les pots de retraite. Et je peux vous dire qu'il y a toujours une bonne trentaine de personnes qui partent en retraite, ce qui est quand même, c'est bien, qui ont fait leur parcours à David pour bien des situations. Mais aujourd'hui, il faut les remplacer. Et là, c'est compliqué. Alors, à Davy, c'est 17 activités différentes, hein, je le disais tout à l'heure. C'est aussi 17 millions de chiffres d'affaires. C'est une association qui est complètement bien installée, j'ai envie de dire, sur le département des Vosges. Nous avons 738 salariés, dont une centaine en Meurthe-et-Moselle. Et puis 5 pôles d'activité, 4500 clients accompagnés, voilà, un petit peu sur les Vosges et sur la Meurthe-et-Moselle. À Davy, c'est une association qui a des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs ? Alors, à Davy, c'est une association reconnue d'utilité publique déjà. Donc nos valeurs sont des valeurs de solidarité, avec un S dans les solidarités, d'humanisme. Notre idée, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est que Les choses les plus importantes pour Adavi sont non seulement les personnes accompagnées, mais aussi nos professionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, et moi ça m'a toujours agacé dans ma mission professionnelle que j'avais auparavant, quand j'entendais la personne au cœur du dispositif. C'est un truc qui m'agaçait. Alors déjà, au cœur du dispositif, déjà c'est très administré un dispositif. Hein. Ça manque un peu d'humanité. Mais surtout, la personne, elle peut pas être toute seule au centre. Elle est avec d'autres. Et dans une relation, alors je peux faire rire mon directeur général s'il écoute, mais dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des professionnels qui soient pas très bien traités et leur demander d'être bien traitants avec les personnes âgées ou les familles qu'ils accompagnent. Donc nous avons le devoir, nous, d'être bienveillants tant avec les professionnels qu'avec les personnes âgées ou les familles qu'on accompagne. Mais la bienveillance, ça veut pas dire qu'on n'a pas de règles, hein. La bienveillance, il y a des règles quand même. Il y a les règles d'arriver à l'heure au travail, il y a les règles. Mais en tous les cas, c'est un petit peu notre leitmotiv. C'est pour ça aussi qu'on est vraiment monté au créneau pour les augmentations des salaires, parce que c'était vraiment pas possible qu'on continue comme ça. Et moi-même, j'étais à Paris, vice-présidente de l'Union nationale de notre UNA. Et j'ai vraiment essayé de, avec la présidente en poste, de porter ces paroles-là. Parce que ça nous semblait extrêmement important, quoi. Voilà. J'ai vu sur votre site internet qu'il y a une rubrique handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Donc ça, c'était le projet associatif que nous avons mis en place de 2018 à 2022, donc aujourd'hui, où on avait regardé un petit peu comment on fonctionnait. Et les aides à domicile qui intervenaient, elles intervenaient aussi bien pour des personnes âgées que pour des personnes handicapées. Or, on s'est dit, il y a un truc qui va pas parce que c'est pas les mêmes accompagnements. Une personne handicapée, elle va travailler, hein, elle peut aller à l'école, elle peut. Donc, on peut pas passer à 10h du matin à faire la toilette. Il faut qu'on respecte aussi ses rythmes du quotidien qui lui sont propres. Une personne âgée, elle travaille plus, donc on n'est pas dans les mêmes conditions. Et puis, il faut aussi comprendre les handicaps. Il y a des handicaps multiples, et il faut que nos aides à domicile puissent être formées sur des choses un peu spécifiques. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires comme l'hôpital psychiatrique, etc., par exemple sur l'accompagnement des malades psy. On travaille avec l'ADAPI, on travaille avec l'APF, enfin voilà, on travaille avec différentes associations, et les aides à domicile sont formées en fonction de l'accompagnement des personnes handicapées, etc. Donc on a un pôle très spécifique handicap, de personnes qui ont voulu aussi s'engager là. Parce que dans l'aide à domicile, ben, y a des personnes qui disent « moi, je veux faire que du ménage. Moi, je peux pas, les personnes âgées, si c'est de l'aide à la personne, je saurais pas, j'ai peur, etc. » Mais c'est bien de le dire. Et là, on organise les temps de travail en fonction des besoins des personnes âgées. Sur les personnes handicapées, il y a des personnes qui disent « non, je me sens pas de le faire. » Hein, où je me sens de le faire et j'ai envie de faire ça, je suis très motivée. Eh bien là, il faut y aller, quoi. Il faut effectivement partir à la fois de la motivation et des compétences des personnes pour pouvoir travailler. Et là, on a mis en place le pôle handicap, qui est un pôle très spécifique d'accompagnement des personnes handicapées. Est-ce que vous proposez parfois des formations spécifiques comme, par exemple, comment agir face à une personne qui a Alzheimer ou qui a certains handicaps? Oui. Comment gérer ça, en fait? Oui, nous avons notre propre organisme de formation, je le disais tout à l'heure, et là, ça fait vraiment partie des modules que les aides à domicile peuvent suivre, hein, comment effectivement accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, quelles sont les réactions, quelle position moi je dois avoir, comment avec la famille je peux me comporter, etc. Et puis quelles sont les réactions aussi d'une personne atteinte de ce type de maladie. Donc effectivement, nous avons des formations qui sont spécifiques par rapport à ça. Enfin, pas qu'Alzheimer, hein. Et aujourd'hui, ce que je pense sur notre département, il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place, alors à Adavi, mais pas que, je pense pas que. Et là, de la coopération avec d'autres associations pourrait s'imposer, ou d'autres établissements et services, ou le milieu hospitalier, c'est tout l'accompagnement de la fin de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques carences sur cet accompagnement de fin de vie dans la mise en place des services, mais pas, c'est pas à David qu'il y a des carences, hein. C'est qu'on n'est pas, peut-être pas suffisamment, je sais qu'il y a des choses intéressantes qui se font sur le département, mais on n'est pas suffisamment nombreux, on n'est pas suffisamment formés, et là on a retravaillé un petit peu cette question de la fin de vie au domicile et en EHPAD. Alors j'ai vu également que vous vous occupez des familles, vous proposez par exemple des conseils conjugal et familial et de la médiation familiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, alors effectivement, mais là c'est sur mandat, c'est sur, c'est une prescription du juge, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand des parents par exemple ne peuvent plus se parler et qu'ils ont divorcé, qu'il y a un enfant au milieu de tout ça, c'est essayer de retravailler en médiation pour retricoter un peu des liens afin que l'enfant puisse vivre puisse vivre plus harmonieusement avec son papa et sa maman, et que on évite effectivement que les familles se disputent ou soient trop séparées. C'est vraiment essayer que le couple soit un couple parent aimant, hein, même si il y a plus de, le couple n'existe plus en tant que tel, mais en tout cas qu'on ait un papa, une maman, ou deux papas, deux mamans, qui soient aimantes et bienveillantes, et que ça puisse permettre la construction de l'enfant dans un climat familial plus apaisé. Vous proposez également un lieu d'accueil ? Oui, alors là c'est le papa et la maman qui viennent avec un enfant, et là aussi c'est peut être sur le juge, qui viennent, pour dans un lieu, ce qu'on appelle un lieu neutre, hein, et avec une médiatrice qui est là aussi, qui essaye de reconstruire un dialogue entre le papa et la maman et puis et l'enfant. Mais il faut qu'il soit dans un lieu qui ne soit pas le lieu de la maman ni du papa. Donc c'est ce qu'on appelle le lieu neutre, et l'enfant peut jouer là au milieu de tout ça, et on essaye d'aider à reconstruire des relations qui se sont un petit peu effilochés, voire davantage au cours de la séparation. Maintenant, on va parler des seniors. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se débrouiller seules et ne veulent pas être placées en EHPAD. Comment les familles peuvent faire appel à vous et qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, les familles peuvent faire appel à nous, si elles le veulent d'ailleurs, parce que parfois on dit j'ai droit ou j'ai pas droit à 2 heures, à 3 heures, par l'allocation personnalisée autonomie, une fois qu'elles ont vu le conseil départemental, elles peuvent avoir droit à de l'aide H24, j'ai envie de dire, hein, mais c'est elles qui financent, on est bien d'accord. Voilà. Alors après, elles peuvent faire appel à nous, tout simplement en allant, soit les familles vont dans nos antennes ou nous téléphonent et demandent à voir une responsable de secteur qui va mettre en place le dossier. Mais ça peut être aussi à la Maison des Solidarités qui est sur chaque territoire du département, où on va monter un dossier pour avoir l'aide du conseil départemental et une contribution de la solidarité départementale afin de financer les heures d'aide à domicile. Donc si le conseil départemental dit je vous donne 10 heures par mois, on mettra en place 10 heures par mois. Si la personne, elle dit, mais moi j'en veux 15 ou j'en veux 20, ça sera elle qui paiera les heures qui ne sont pas prises en compte par le département. Donc c'est pas qu'elle n'y a pas droit, c'est que le conseil départemental ne peut payer que 10 heures ou n'attribue que 10 heures, mais parce que les enveloppes financières ne sont pas non plus extensibles, je le disais tout à l'heure. Et puis, ensuite, si la personne âgée, elle dit, moi, j'ai pas besoin des 10 heures, j'en veux que 2, on viendra 2 heures. C'est un peu dommage de pas en profiter, mais voilà. Et faire appel à nous, c'est appeler le siège, donc, à partir du numéro que vous trouvez sur Internet, vous le trouvez partout, et appeler aussi, ou aller voir nos antennes et appeler. On les appelle pas en direct, on a directement le siège, et ensuite, on renvoie dans les antennes au niveau du siège. Et justement, est-ce que vous intervenez dans les EHPAD ? Alors, on gère un EHPAD qui est le Home du Cameroun, qu'on avait établissement qui a été racheté par l'ADAPA dans les années 62-65 et qui permettait à des personnes à faible revenu de venir en vacances. Le Home du Cameroun, c'était ça. Et puis au fil du temps, ça s'est transformé et c'est devenu l'EHPAD du Home du Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est un EHPAD d'une soixantaine de lits et nous sommes en cours et nous avons un mandat de gestion pour le Home Fleury qui est sur ce territoire de Saint-Étienne-lès-Miremont. Et normalement, nous devrions aboutir au 1er janvier 2024 à un rapprochement de l'établissement avec Adavi. C'est quoi la téléassistance ? La téléassistance, c'est permettre, alors ce sont des bracelets qui sont mis sur le poignet des personnes âgées, qui permet de détecter des chutes, de détecter des personnes qui seraient parties de chez elles, voilà, et qui appellent immédiatement, effectivement, soit le premier numéro, c'est la famille, hein, les deux, trois premiers numéros, la famille, et si ça ne répond pas, c'est le centre d'appel qui est effectivement directement relié à cette téléassistance. Mais généralement, c'est la famille et on dit, la personne peut dire ce qui lui est arrivé. Si elle répond pas, la famille peut se déplacer immédiatement, envoyer les secours, etc. En tout cas, ça permet quand même de situer géographiquement une personne qui serait partie, de la positionner aussi là où elle est tombée, chez elle, à l'extérieur, etc. et d'avoir un secours très rapidement. Et c'est quoi l'habitat inclusif ? C'est quoi l'habitat inclusif ? Alors, l'habitat inclusif, ce sont des personnes qui ont leur appartement. Et alors, le terme est absolument infâme, parce qu'on a l'impression qu'ils sont inclus là et qu'ils n'en bougeront pas, que les personnes sont... Non, l'habitat inclusif, je vais vous citer l'exemple de Vogelis, par exemple, qui est un partenaire important pour nous, avec lequel on travaille. Donc, des personnes qui sont dans leur appartement et Vogelis met à notre disposition... dans un des bâtiments ou dans le bâtiment, une salle, plusieurs salles qui permettent effectivement de faire de l'animation, de permettre aux personnes de se retrouver, qui sont seules. Et nous, on met à disposition une animatrice ou deux animatrices qui vont voir s'il faut des courses, s'il faut aller chercher, des courses, les emmener chez le médecin, faire leur petit quotidien qu'elles ont du mal de faire aujourd'hui parce qu'elles se déplacent plus trop, ou les accompagner. Et puis l'après-midi, c'est vraiment de l'animation, simplement papoter ensemble, faire des gâteaux, partir en vacances. Elles sont parties, elles avaient organisé, les personnes âgées, les animatrices, un petit séjour dans le Jura d'une semaine, par exemple. Voilà, c'est redonner un peu de la vie. C'est pour ça que j'ai choisi aussi la chanson de Jacques Brel tout à l'heure, parce que je me dis, on n'a pas envie que nos personnes âgées, elles n'aient plus rien devant elles, mais qu'elles puissent encore avoir des projets, même si elles sont seules chez elles. Et c'est pour ça que le partenariat avec Vogelis, pour nous, est important, mais il n'y aura pas que. Et permettre que des personnes âgées isolées se retrouvent avec d'autres pour pouvoir encore un beau côté de la vie. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Yves Duteuil et Barbara. On se retrouvera juste après sur le 107. Pour l'emmener vers demain, pour

qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fais infidèle, mais vous revenez. Plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages, vous étiez venu au rang. L'histoire d'amour, c'est vous. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Madame Mathieu. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming ou via leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Madame Mathieu ? Ah mais volontiers. Donc, les vieux Jacques Brel, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pourquoi ? Bien, parce que effectivement, c'est bien la caricature de ce qui se passe quand on est un peu isolé et puis de la vie qui se termine. Et je trouve que Jacques Brel l'illustre très bien. Et c'est justement parce qu'on veut à David, on a envie effectivement pour les personnes qui le souhaitent, et ben qu'il y ait de la vie jusqu'au bout. J'ai envie de dire. Hein. Ensuite, pourquoi prendre un enfant par la main ? Ben parce que dans nos activités, nous avons l'activité familiale et en particulier tout l'accompagnement autour de l'enfant, dans sa famille, etc. Et moi, il me semble que c'est un sujet tellement important aujourd'hui d'accompagner nos enfants plutôt dans la bienveillance, en inversant un peu les valeurs qui sont en train aujourd'hui d'être complètement inversées par ce qu'on a appris nous. Je pense que on a besoin de rassurer nos jeunes aussi et puis de les prendre par la main pour leur dire que la vie elle vaut le coup d'être vécue. Alors Barbara, pourquoi ? Eh ben ma plus belle histoire d'amour c'est vous. Eh ben parce que je crois que dans ma vie de bénévole, d'engagement que j'ai, eh bien je crois que c'est les gens, c'est vrai. J'ai bien sûr une belle vie de famille et une belle beaucoup d'amour pour mon mari et mes enfants, mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour les gens Et j'avais envie de cette chanson-là, parce que je crois que si on donne du temps, si on est engagé, eh bien, c'est bien parce que ça fait partie, c'est pour une histoire d'amour. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous investissez autant dans le bénévolat? Alors, pourquoi? Bon, peut-être un petit peu, mon mari me dit souvent, c'est quand que tu es en retraite. Alors, moi, si vous voulez, je me dis que j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle extrêmement riche, extrêmement intéressante. Je ne me voyais pas couper du monde au moment de la retraite. Déjà, c'était pas possible. La vie sociale est quelque chose d'important, de pouvoir... Et puis, tout ce que j'ai appris, eh bien, j'avais envie de le redonner, de donner, d'aider, d'accompagner aussi avec l'expérience qui était la mienne et de pas rester de façon inutile chez moi. Alors peut-être j'aurais pas été complètement inutile, mais quand vous savez faire si peu de choses de vos mains, en tout cas, moi j'ai pas l'impression de savoir faire grand chose. Et du coup, il fallait cette utilité-là. Moi, j'avais besoin de rencontrer les gens, j'avais besoin de redonner ce que j'avais appris, et puis d'être utile. Je crois que d'être utile aussi à mon petit niveau, à la société et à la construction de la vie politique. Alors, quand je dis ça, on me dit « tu fais de la politique ». Oui, avec un grand P, c'est-à-dire l'organisation de la cité, comment on participe aujourd'hui au développement de son territoire, sur la question des emplois, sur la question du bon emploi, au bon moment, sur les bons lieux, au niveau de nos associations. Moi, je crois qu'on a vraiment... on a de l'expérience, les retraités, et il faut qu'on puisse aussi la redonner. Voilà. Mais pas non plus trop longtemps, hein. Je pense qu'à 90 ans, je pourrais pas être présidente d'association. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite, parce que il faut aussi que les organisations, elles s'oxygènent, et donc, je n'ai pas la prétention d'être une bénévole à vie. Et quelles qualités faudrait-il y avoir, selon vous, pour travailler dans l'aide à la personne? Alors, déjà, des qualités de discrétion, c'est une qualité importante. De savoir aussi avoir du discernement sur les situations, c'est-à-dire savoir prendre le recul nécessaire. Parce que parfois, c'est pas facile. Alors, des aides à domicile, parfois, sont pas faciles, on me dit. Mais on me dit aussi que des familles sont pas faciles. Mais je crois que tout ça est une question de relation humaine, puisque les services à la personne, c'est vraiment que de la relation humaine. Et on peut pas dire que dans une relation, tout est toujours 100% bien et qu'on est capable de tous partir en vacances ensemble. Non, on n'est pas capable de partir tous en vacances ensemble. Mais par contre, on est capable d'être tolérant, de mettre un curseur de la tolérance à la fois chez les familles, à la fois dans l'aide à domicile, à la fois parfois la personne âgée. On voit bien que on n'a pas tous les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de s'organiser, les mêmes façons de se parler. Donc on a tous besoin aussi d'être raisonnable, j'ai envie de dire, dans cette relation humaine, d'être dans une relation gagnant-gagnant pour que ça se passe bien. Voilà. Mais on n'est pas obligé de partir en vacances ensemble. Je le redis, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est que la personne âgée ou la personne handicapée ou la famille soit accompagnée le mieux possible, puisse avoir les services qu'elles attendent, sachant que les services qu'elles attendent sont pas non plus toujours les désirs qu'elles souhaitent. Hein, on peut avoir du désir et puis nous, on traite plutôt le besoin. Voilà, donc après, dans la relation, parfois tout ça, il faut que ça s'explique, il faut que ça puisse se comprendre de part et d'autre. Est-ce que vous avez déjà eu des retours des familles ou des personnes qui ont bénéficié de votre aide ou des différents services que vous leur avez proposés? Oui. On a plutôt des bons retours. Je peux dire que quand on reçoit Bon, ça arrive, hein, évidemment, que les gens soient pas contents. Cet été, par exemple, on a peut-être un peu plus que d'habitude changé les personnels parce que on avait un problème, ben oui, de vacances, de jours de repos, de maladies, et puis de difficultés de recrutement, qui ont fait qu'effectivement, pour rendre le service, eh ben, il nous a fallu peut-être mettre d'autres personnels à disposition de la personne âgée ou de la famille, et ça, c'est pas toujours bien vu. On essaye le moins possible, mais voilà, la règle du droit du travail, c'est aussi la règle du droit du travail, et nous l'appliquons dans son entier. Donc, l'aide à domicile peut pas être là H24. Voilà ce que je pourrais dire. Après, prendre de la hauteur, oui, dans les relations qu'on peut avoir, être calme, discret, pas quelqu'un qui s'énerve au moindre moment. Enfin, voilà, il y a des qualités quand même qui sont indispensables. Et puis, il y a du professionnalisme. Hein. C'est vrai que quand on sait bien, voilà, quand on maîtrise bien les gestes, aussi bien pour soulever la personne, pour l'aider à s'habiller, etc. Quand on maîtrise bien ce qu'il faut faire pour l'hygiène des locaux, eh bien, généralement, les personnes n'ont rien à redire, quoi. C'est-à-dire, je fais pas ce que je veux, et puis un peu par-dessus la jambe en disant non. Il y a des gestes professionnels, il y a des postures, et ça, je crois que c'est vraiment très important que nos aides à domicile puissent se former et être dans ces gestes et postures nécessaires pour justement que ça ne choque pas, parce que les personnes âgées disent « Ah ben, il y en a une, elle fait comme ça, puis l'autre, elle fait autrement, et puis, bon, ben ça, elles aiment pas trop, hein. » Donc, quand elles ont toutes appris la même chose et qu'on fait toutes la même chose, c'est plus facile aussi à expliquer à la personne ou à la famille de dire, ben, ça, voilà, ça, c'est notre geste professionnel, que de dire, ben, je fais un peu comme je veux, quoi. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Alors oui, on travaille avec d'autres associations, par exemple les portages de repas à domicile. On travaille bien avec l'ADAPI, nous avons une convention avec les établissements de l'ADAPI sur plusieurs territoires pour apporter les repas aux personnes âgées ou personnes handicapées. Voilà, ça c'est des genres de coopérations. On a des coopérations avec l'hôpital psychiatrique, on a des coopérations avec les maisons d'autres établissements de personnes âgées, avec le réseau Régévo, vous l'avez rappelé effectivement tout à l'heure. Bon voilà, on est tout à fait disposé à travailler en complémentarité avec les autres associations du secteur sanitaire et social, bien sûr. Quelle est l'actualité de l'association? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ces prochaines semaines ou ces prochains mois? Alors, prochaine semaine, l'actualité brûlante, j'ai envie de dire, d'Adavi, eh bien, c'est effectivement, nous travaillons avec l'association du Home Fleury pour faire en sorte que le rapprochement se fasse dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan juridique, financier, humain, etc. Donc là, c'est vraiment notre actualité aujourd'hui, j'ai envie de dire, et pour les 3 mois qui arrivent. Ensuite, nous travaillons aussi sur toute la question du recrutement avec les jeunes. Sur Nancy, par exemple, on a lancé une action auprès des étudiants en disant, voilà, si tu as 2 ou 3 heures dans la semaine, tu peux te les faire rémunérer. Nous, on peut éventuellement t'embaucher. Donc, un job, voilà, sur le secteur Nancy étant une ville étudiante, on a lancé surtout sur ce territoire-là des actions pour eux. Voilà, ça complète un peu leur finance, enfin leur revenu, et en même temps, ça peut être sympa d'aller faire les courses d'une personne âgée, d'aller, voilà, c'est quand c'est pas des choses récurrentes, hein, on est d'accord. Quels sont vos futurs projets avec l'association ADAVI? Les futurs projets, eh bien là, nous sommes en train de travailler le projet associatif. Il sera présenté lors de notre assemblée générale en octobre. Projet associatif sur 4 ans. Donc, celui qui vient de se passer a vu se mettre en place 5 pôles, pôle handicap, pôle établissement, etc. Enfin, on a retravaillé notre organisation. Sur le prochain projet, qui est les choses qui sont retenues, c'est 1, la question effectivement des recrutements, parce que c'est crucial pour notre notre association, mais pas seulement le recrutement. C'est aujourd'hui comment on fidélise les salariés, parce que ça soit chez nous ou ailleurs, je pourrais en discuter dans d'autres lieux et pour d'autres métiers. On voit que des personnes, eh ben, ils arrivent. Des fois, ils viennent même pas signer leur contrat de travail. D'ailleurs, ils viennent pas, ils le disent pas. Mais parfois, bah, ils sont là 3 mois et puis ou 6 mois, histoire de se faire un peu de sous. Et puis après, je refais un peu de voyage et puis je retrouve un emploi et puis etc. Bon, aujourd'hui, l'idée, c'est comment on peut fidéliser des salariés dans notre association. Mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui nous posons la question et quels sont les moyens qu'on va trouver pour cela. Donc ça fait partie. C'est vraiment la question des ressources humaines aujourd'hui, c'est vraiment central pour Adavi et pour d'autres aussi. Et puis la question aussi de notre développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sollicités par des associations qui sont toutes seules sur le territoire, qui ont des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire soit plus d'administrateurs, plus assez, etc., et qui nous demandent de venir les accompagner, les aider pour soit trouver des modes de coopération, soit trouver des modes de rapprochement ensemble. Et là, nous répondons présent pour l'instant parce que nous ou d'autres, pourquoi pas. Mais je pense aujourd'hui que les associations, elles ont aussi besoin de professionnaliser leur gouvernance, entre guillemets, enfin professionnel, ça me plaît pas bien, mais c'est le seul terme que je trouve là à la radio immédiatement, professionnaliser leur, parce que les responsabilités qui pèsent sur les présidents d'associations aujourd'hui sont des responsabilités relativement importantes, surtout quand on gère des personnels, des établissements, de l'argent public, etc. Il faut qu'on soit extrêmement rigoureux sur ces questions-là, et l'ensemble du conseil d'administration est quand même embarqué dans une aventure qui est une aventure responsable, même si elle est passionnante, même si on veut innover, même si etc. C'est une aventure qui nous demande d'être responsable de l'activité pour laquelle nous avons été élus. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, sans problème. www.adavi.fr, je crois, et puis sur Facebook. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association Adavi? Alors, pour l'association Adavi, eh bien moi je lui souhaite une longue vie, une longue vie, et qu'on continue effectivement à être utile sans but lucratif, c'est-à-dire que demain on n'est pas une OPA sur Adavi par Corian, non, je plaisante un peu, qu'on puisse continuer à innover en permanence, parce que cette innovation, elle est source aussi de développement, mais elle permet aussi aux salariés qui sont dans l'association d'avoir des parcours professionnels peut-être un peu plus diversifiés, de continuer à prendre soin de nos salariés, parce que c'est important, d'agir pour le vivre ensemble sur les territoires et la cohésion sociale, et ça me semble être quelque chose d'extrêmement important, aider, respecter chacun, voilà, et je disais intervenir en professionnel, donc tout ça fait partie de notre projet associatif, ce qu'on défend, et j'ai envie que ça dure encore longtemps et qu'on soit là, effectivement, non pas pour se faire de l'argent, mais pour servir notre territoire. Cette émission est maintenant terminée. Madame Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Mais bien sûr, volontiers. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.